siffla mes affaires. Toi tu voulais tout foutre en l'air. Les jours du bac je révisais. Toi tu dormais, tu foutais rien. Et puis il est là dans mon cartable. Le pôle emploi s'occupe de toi. Mairie de Tulle, je m'occupais. À l'intérim, ça tu sais faire. Bah je pensais déjà Sénat. Et toi qui me disait, qui me disait, laisse tomber ça, laisse tomber ça, cesse. Viens, on va voir Jean, celui qui a plein d'argent. Viens, il nous attend. Viens, fais-moi confiance. Sois franc et bonne conscience. Bien que sois franc. Sois franc, sois franc, sois franc. Je suis rentré dans un parti. Toi mon ami t'as pas suivi. Chef d'un grand parti politique. Nouveau gouvernement. Toi mon ami tu fais ta vie. Président de la République. Et toi qui me disais, qui me disais, laisse tomber ça, laisse tomber ça, cesse. Laisse tomber ces gens. Ce qu'on partage.